Elle croise parfois son image dans le miroir de son appartement, mais ne reconnaît pas ce visage, cet inconnu au cheveux. Cette bouche triste, ses yeux cernés, ce teint blafard par cheminée. Non, ce n'est pas elle, ce n'est pas vrai, ce n'est pas sa vérité. Elle est née au siècle. De loin pour elle, c'est tout près dans son cœur. Elle est toujours celle qui dansait et que tu trouvais belle. Elle est née au siècle dernier et elle ne sait plus. Elle se souvient quand le jour baisse d'un homme beau qui l'adorait, de ses mots doux, de ses caresses, de cet amour qu'elle n'a pas su garder. Et là, ses larmes tant refoulées coule et roule sans s'arrêter. Elle pleure un à un ses regrets. Elle ne savait pas qu'elle n'aimerait plus jamais. Elle est née au siècle dernier. Ça vous semble loin pour elle. C'est tout près dans son cœur. Elle est toujours celle qui dansait et que tu trouvais belle. Elle est née au siècle dernier et elle ne sait plus qui elle est. Elle croyait avoir tout le temps pour se construire une vie belle. Ce que l'on aime à 20 ans, c'est l'aventure, les étincelles. Mais son futur, c'est du passé. Elle n'a rien fait à part rêver à un avenir qui tardait. Elle n'a jamais trouvé sa vérité. Elle est née au siècle. De loin pour elle, c'est tout près dans son cœur. Elle est toujours celle qui dansait et que tu trouvais belle. Elle est née au ciel.